Chapitre 9e. Deux gardiens de la conciergerie conduisirent Langlade au parloir où ne se trouvait en ce moment aucun visiteur. Ainsi qu'il avait été convenu entre l'agent de police et le forçat, on avait retiré à ce dernier les menottes. En apparence, Langlade était toujours aussi tranquille. Pendant le trajet de sa cellule au parloir, il n'avait promené autour de lui que des regards indifférents et avait répondu avec calme aux questions qu'on lui avait adressées. Un des gardiens, le plus jeune, dit à son compagnon en lui montrant le prisonnier « On l'a calomnié, c'est un agneau. Faudra voir, il y a peut-être du feu sous la cendre, » répondit le second gardien, vieil employé des prisons, habitué à ces apaisements soudains qu'on remarque chez les hommes les plus énergiques et les plus violents, et qui sont suivis en général de réactions terribles. Le vieux gardien ne se trompait pas, la réaction allait avoir lieu. « Par quelle porte entrera-t-elle ? » demanda tout à coup Langlade, qui s'était assis dans un coin sur un des bancs qui garnissait la salle. On lui montra une porte placée de l'autre côté du grillage qui séparait en deux le parloir. Le forçat releva vivement la tête, ses dents se serrèrent, ses narines se dilatèrent. Il commença à flairer quelque chose, il entrevoyait vaguement un piège. « Si elle entre de ce côté, reprit-il, et sa voix était déjà moins calme, comment pourra-t-elle me rejoindre ici ?»« Mais elle ne vous rejoindra pas, » dit le jeune gardien. « Ah, elle ne me rejoindra pas !» fit-il. « Vous pourrez vous approcher de ce guichet tant que vous voudrez et causer avec elle à votre aise, » fit observer doucement l'autre gardien, qui voyait les traits de Langlade se contracter et qui essayait de l'apaiser. « Alors on m'a trompé !» s'écria le forcé en éclatant. « On vous a promis que vous la verriez, elle va venir. On m'a trompé, te dis-je » reprit-il avec encore plus de violence. « Elle devait être auprès de moi, à mes côtés. » « Aucun grillage ne devait nous séparer, c'est une infamie, on a abusé de ma bonne foi. Si j'avais su, je ne me serais pas livré, je me serais défendu. Je l'aurais tué, ce misérable, je vous aurais tué tous, canailles que vous êtes !» Il marcha brusquement vers le vieux gardien, qui, son trousseau de clés à la main, l'attendit de pied ferme. « Je veux être à côté d'elle » s'écria-t-il, « je veux qu'on la conduise ici, dans cette partie de la salle, ou bien qu'on me fasse passer de l'autre côté. Mes ordres sont précis. » répondit le gardien. « Ce que vous demandez est impossible. »« Ah, c'est impossible !» vociféra Langlade. « Eh bien, je ne me suis pas rendu. Vous ne m'avez pas arrêté. Rien n'est fait. C'est à recommencer. » En un tour de main, il arracha de la muraille un banc de bois qui s'y trouvait scellé. Il saisit deux escabeaux, trois chaises en paille, une petite table. Il les lança dans un des coins du parloir, se fit une massue avec un des pieds de la table, s'arc-bouta contre la muraille, derrière l'espèce de barricade qu'il avait improvisée, et dit d'une voix terrible, en brandissant sa massue au-dessus de sa tête, « Venez-y donc !»« À la garde !» cria le jeune gardien, en s'élançant prudemment vers la porte, tandis que son compagnon, un de ces braves, choisi parmi les agents de la police militante, restait ferme à son poste et se contentait de regarder Langlade en levant les épaules. Le calme de cet homme acheva d'exaspérer le forçat. D'un bond, il franchit sa barricade et marcha droit à l'ennemi. Alors le gardien comprit qu'il s'exposait à un danger inutile. Les yeux fixés sur son adversaire, tenant d'une main son trousseau de clés pour parer les coups de massue, de l'autre main frisant sa grosse moustache grisonnante, il marcha vivement à reculons, sans pousser un cri, sans appeler au secours. Arrivé près de la porte, restée ouverte depuis la fuite de son collègue, il fait un bond en arrière, au moment où Langlade allait l'atteindre et tira la porte sur lui, Langlade resta seul. Pendant ce temps, le posté des soldats qui se trouvent dans l'intérieur de toutes les prisons de l'État avait pris les armes et se dirigeait vers le parloir. Il était évident qu'une lutte terrible allait avoir lieu. Le forçat finirait par succomber sous le nombre, mais après s'être énergiquement défendu. Dans ses mains vigoureuses, toute espèce d'arme pouvait donner la mort. Rien ne l'empêchait du reste de se jeter sur le premier soldat qui apparaîtrait, de lui enlever son fusil, de s'élancer derrière la barricade et de tenir longtemps l'ennemi à distance. Les soldats, conduits par les deux gardiens, étaient arrivés devant la porte du parloir et allaient l'ouvrir. Tout à coup, Vibert se présenta. Au moment de sortir de la conciergerie pour se rendre au palais de justice, où il voulait parler à M. Gourbet, le juge d'instruction, il avait entendu un bruit inusité. Il s'était informé et il avait appris ce qui se passait. « Je m'y attendais, » se dit-il, « c'est ma faute après tout. Il est certain que Langlade a le droit de se plaindre. » Je ne tiens pas strictement la parole donnée. C'est peut-être à moi de réparer le mal que j'ai fait et d'empêcher l'effusion du sang, même au prix du mien. Brave et résolu comme nous le connaissons, il ne pouvait hésiter longtemps. Il rejoignit les soldats et se plaçant devant la porte qu'ils allaient ouvrir, « N'entrez pas, leur dit-il, je me charge de tout. Qu'allez-vous faire ? Demanda le vieux gardien, qui venait de reconnaître Vibert. Je ne sais pas, mais envoyez les soldats, je vous prie. Il est inutile qu'ils se fassent tuer par ce forcené. Je l'ai déjà dompté ce matin, peut-être en viendrai-je encore à bout. Il sera toujours temps d'appeler le poste à notre secours. Et vous savez que vos chefs vous sauront gré d'avoir évité la violence. Sans doute, il nous est recommandé d'employer le plus possible la douceur. Mais si vous saviez dans quel état de colère se trouve ce misérable, vous ne viendrez pas à bout de lui. Rien ne me coûte de l'essayer. Vous risquez votre vie. Cela vaut mieux que de risquer la vôtre et celle de tous ces braves gens, répondit Vibert. À votre aise, monsieur. Voulez-vous que j'entre avec vous ? Non, mon ami, c'est inutile. Les dompteurs n'amènent aucun invité dans la cage des bêtes féroces. Il ne faut pas exciter leur appétit. Alors je reste ici. Disposez-vous prêter main forte en cas de besoin. Comme vous voudrez. Vibert ouvrit la porte et entra dans le parloir. Langlade, qui avait entendu le bruit des voix et des crosses de fusil, s'attendait à être attaqué et s'était replié derrière sa barricade. Dès qu'il aperçut Vibert, sa colère devint de la rage. D'un bond, il s'élança sur l'agent de police, le prit dans ses bras et le lançant comme une balle, l'envoya rouler à 10 pas de lui. Vibert tomba sur les genoux, se releva et sua son pantalon avec son coude pour ôter de la poussière car dans les circonstances les plus graves, il restait toujours un homme d'ordre et sans attendre que Langlade revînt sur lui, marcha à sa rencontre, les bras croisés et lui dit « Tu es un lâche !»« Et toi, tu es un traître !» s'écria le forçat. « Pourquoi suis-je un traître ?» demanda Vibert sans baisser le ton. « Tu m'avais promis de me la faire voir et je ne la vois pas. Elle est là, derrière cette porte. On attend pour la faire entrer, que tu sois plus calme. » Mais je la verrai derrière cette grille. Ce n'est pas ce que tu m'as promis. Je ne t'ai rien promis à ce sujet. Ose dire que je t'avais promis qu'elle serait à tes côtés. Nous n'avions pas parlé de cela, mais il fallait en parler alors, faire tes conditions. Je ne puis pas deviner ce que tu désires. Quant à mes promesses, je les ai toutes religieusement tenues. Tu m'as demandé de te faire ôter les menottes, on te les a ôtées. Je suis victime de mes bontés pour toi. Si tu n'avais pas eu l'usage de tes mains, tu n'aurais pas pu saccager ce parloir comme tu l'as fait et te conduire lâchement avec moi. Lâchement, répéta Langlade. Oui, lâchement. Je suis petit, tu es grand. Je suis faible, tu es fort. J'entre ici seul et désarmé pour éviter une lutte sanglante où tu aurais fini par avoir le dessous et tu te précipites sur moi comme une bête fauve. Tu seras bien avancé lorsque tu m'auras tué ainsi que deux ou trois pauvres diables qui exécutent leurs consignes. Conduira-t-on soleil couchant ici ? Dit Langlade déjà un peu plus calme. La verrai-je sans être séparé d'elle par une grille ? Non, tu la verras et tu le parleras à travers ce guichet. C'est elle du reste qui l'a demandé. Ah, c'est elle, pourquoi ? Parce qu'elle a sans doute peur de se trouver à tes côtés. Cela ne doit pas t'étonner. Si elle a peur, c'est qu'elle se sent coupable envers moi, évidemment. Mais ce n'est pas une raison pour qu'elle désire être tuée. Et si je promets de ne pas la tuer ? Tu ne peux pas répondre de toi, tu es trop violent. Un mot, un geste suffisent pour te mettre en fureur. Tu frappes même ceux qui ne t'ont rien dit, qui ne t'ont rien fait. Pardonne-moi, dit-il d'une voix sourde. Parbleu, oui, je te pardonne. Mais le directeur de la conciergerie ne peut pas te pardonner d'avoir troublé l'ordre qui règne d'ordinaire ici, d'avoir commis des actes de violence, menacé les gardiens, dérangé le poste. Que peut-il me faire ? Il peut, répondit adroitement Vibert afin d'effrayer Langlade, et paraître lui faire ensuite des concessions, il peut ne plus tenir compte de la demande que je lui ai adressée et te priver de voir soleil couchant, même derrière ce guichet. Oh ! S'écria Langlade. Il n'avait pas un instant pensé à ce genre de punition qui l'effrayait plus que les fers aux pieds, la camisole de force et le cachot. Voilà, reprit l'agent de police, ce qu'on gagne à être emporté. C'est par tes continuelles violences, du reste, que tu t'es aligné le cœur de soleil couchant. Elle t'a aimé autrefois. Oui, dit-il d'une voix attendrie, elle m'a aimé. Maintenant elle a peur de toi. Écoute, dit le forçat, en essayant de prendre la main de Vibert, si tu obtiens du directeur que je la voie, je te promets de remettre ici chaque chose à sa place, de faire des excuses aux gardiens et d'être aussi calme que j'étais emporté. Je veux bien tenter cette démarche, mais rien ne sera changé aux premières dispositions prises. Tu resteras ici et soleil couchant entrera de ce côté. C'est arrêté. Soit. Je n'ai pas besoin qu'elle soit auprès de moi. Je ne veux plus la tuer. Ma colère est passée. Parbleu, elle s'est passée sur moi, fit observer Vibert. Je te suis bien obligé. Mes genoux me brûlent. Ils sont tout écorchés. « Veux-tu que je les pense ?» demanda le forçat, éhonté. « Non, merci. Je n'ai pas le temps de me soigner. Allons, mets de l'ordre ici, pendant que je passe chez le directeur, et rappelle-toi à ton tour ce que tu m'as promis. » Vibert sortit et retrouva la porte, les gardiens étonnés de le revoir en si bon état. « Il est apaisé, leur dit-il. Si ce lait couchant ne l'agace pas trop, il sera tranquille maintenant pour le reste de la journée. Les hommes nerveux ne procèdent que par violentes secousses. Après la tempête, le calme plat, ils ne connaissent pas les justes milieux. Je vous prie, continua-t-il en s'adressant au vieux garde, de la laisser voir sa maîtresse comme si rien ne s'était passé. Ce soir, on le transportera dans une autre prison et vous en serez débarrassé. Il n'y a que la table à laquelle Langlade a enlevé un de ses pieds et moi, dont il a molesté les genoux, qu'ils soyons véritablement à plaindre, et nous ne nous plaignons pas. » Un quart d'heure après, Soleil couchant, conduite de son côté par un des gardiens du dépôt, faisait son entrée dans le parloir et s'asseyait prudemment, le plus loin possible de la grille qui la séparait de son cher Langlade. Quant à lui, au contraire, dès qu'il la vit, il se rapprocha du guichet, y colla sa large face et contempla sa maîtresse. Pendant un instant, son regard fut dur et haineux, puis il s'adoucit. Ses yeux devinrent bons, presque tendres. L'espèce de fluide qui se dégage toujours de la femme aimée produisait son effet. Le forçat s'était vanté lorsqu'il avait juré de tuer Soleil couchant. Il n'aurait jamais eu ce courage. Un regard de sa maîtresse eût arrêté sa main près de frapper. Il ne disait pas un mot et continuait à la regarder. Elle, qui s'attendait à des reproches, à des insultes, était toute interdite. Elle craignait que Langlade ne méditât un mauvais coup. Elle regardait autour d'elle d'un air effrayé, se demandant si la grille, contre laquelle il s'appuyait, n'allait pas tomber subitement et lui livrer passage. « Tu as donc bien peur de moi ?» dit Langlade d'une voix douce. « Dame, répondit Soleil couchant, je suis payé pour cela. Tu m'en as fait voir de dur depuis que je te connais. » « Il ne faut pas m'en vouloir, reprit-il tristement. J'étais emporté, jaloux, violent, parce que je t'aimais. Oui, je connais cette phrase, s'écria-t-elle avec dureté. Quand vous autres hommes, vous avez dit à une femme, je t'aime, vous croyez avoir tout dit et être quitte envers elle. Plus vous l'injuriez, plus vous la martyrisez, plus elle doit se réjouir. Vos emportements, vos insultes, vos coups sont autant de preuves d'amour. Eh, pour Dieu, alors, aimez-nous un peu moins. Nous n'avons que faire d'un amour qui nous rend l'existence intolérable. Ainsi, dit-il toujours du même ton, tu étais bien malheureuse avec moi. Très malheureuse, puisque tu me le demandes. Je ne crains pas de te l'avouer. Oh, ne crains rien, dit-il. Derrière ces barreaux, je ne suis pas bien redoutable. En effet, c'est la première fois que je puis te parler sans avoir à trembler. Parle alors, ouvre-moi ton cœur, je t'écoute. Toute autre femme que Stéphanie Cornu eût été émue peut-être par tant de douceur. Il y avait en effet quelque chose de touchant dans l'attitude soumise et résignée de cet homme énergique et fort, de cet être indomptable, de ce tyran. Mais les qualités de cœur n'étaient pas très développées chez Soleil couchant. On ne peut pas tout avoir. Du reste, nous l'avons dit, elle nourrissait depuis 5 ans une haine profonde contre celui dont elle avait toujours essayé de se débarrasser sans y parvenir. Elle avait à lui rendre 1000 piqûres, 1000 coups, 1000 souffrances. Il lui était enfin donné de se venger. Sans s'exposer à de terribles représailles, elle n'était pas femme à se priver d'une telle jouissance. Elle ouvrit son cœur, comme l'avait demandé Langlade, et l'en étala toutes les plaies. Elle ne fit grâce à son amant d'aucune plainte, d'aucun reproche. Elle lui jeta à la face tous ses griefs. Elle lui rendit en 1 heure toutes les insultes qu'elle avait reçues pendant 5 années. Elle l'abreuva d'outrages comme il en avait abreuvé. À la place des coups qu'elle ne pouvait lui rendre, elle le meurtrit d'injures. Ce fut une révolte complète, furieuse, à main armée. L'esclave secouait le joug, l'ilote brisait ses chaînes. En sa qualité de femme vindicative, peut-être en sa qualité de rousse, Soleil couchant fut implacable. Il l'écouta sans l'interrompre. Lorsqu'enfin elle s'arrêta, il ne lui dit que ces mots. « Alors tu ne m'aimes plus. Je ne t'ai jamais aimé, » s'écria-t-elle. « Je t'ai craint, voilà tout. » Il baissa la tête et reprit, au bout d'un instant de silence, « Si je me sauvais de prison, si je me sauvais du bagne, me reprendrais-tu ? Jamais !» dit-elle avec énergie. « Ne laisse faire pas. Oh, c'est fini, c'est bien fini. Je ne veux plus vivre comme j'ai vécu. Je veux profiter de ce qui me reste de jeunesse et de beauté, avoir des caprices et les satisfaire sans trembler pour mes jours. Je veux être libre, enfin. » Chacune de ces paroles frappait Langlade au cœur. Cependant, il se contenta de répondre. « J'aurais bien des choses à te dire, mais je ne sais pas parler. » « Tu ne sais que frapper, » dit-elle cruellement. « Oh, je sais aussi souffrir, » dit-il. Décoloré qu'il était habituellement, Il était devenu fort pâle. Stéphanie le regarda, eut peur et recula. Mais il reprit avec la même douceur. « Alors, si je revenais comme je suis déjà revenu ?» Elle l'interrompit en s'écriant. « Tu ne découvrirais jamais ma retraite. C'est donc la dernière fois que je te vois ?»« Oui, la dernière. » « Dans quelques jours, tu seras libre. Moi, je reste en prison. Tu ne demanderas pas l'autorisation de passer de temps à autre un instant avec moi. Jamais !»« C'est cependant à cause de toi que j'ai commis tous mes crimes. Si je ne t'avais pas aimé, je ne serais pas allé au bagne et je n'y retournerais pas. »« Il ne fallait pas m'aimer. Je ne t'en ai jamais prié. Au contraire !»« Et, reprit-il doucement encore, si au lieu d'être renvoyé au bagne, j'étais condamné à mort, à cause de l'autre, tu sais, l'autre que j'ai tué parce qu'il était ton amant, viendrais-tu me dire un dernier adieu ?»« Non, » fit-elle. « Misérable » s'écria-t-il tout à coup. Il saisit la grille des deux mains et essaya d'embriser les barreaux. Il ne put y parvenir. Alors il tenta de la soulever avec ses genoux, ses pieds, sa tête, ses dents. Il poussait des cris sauvages. Ses yeux étaient injectés de sang, sa bouche écumait. Le premier mouvement de Stéphanie, lorsque cette colère fit soudainement explosion, fut de reculer jusqu'à l'autre extrémité du parloir. Mais lorsqu'elle vit que Langlade, malgré sa force prodigieuse, était impuissant, même à tordre un seul des barreaux qui la séparaient de lui, elle se rapprocha de la grille. « Ah, comme tu me broierais avec plaisir, n'est-ce pas ? » disait-elle en riant. « Comme tu me tuerais sans pitié. Mais je suis hors de ta portée, à l'abri de tes coups. Tu ne peux rien contre moi. Je ne suis plus ta chose, je ne suis plus ton chien. Allons, ne te fatigue pas ainsi, colosse de mon cœur. Tu vois bien que tu n'y arriveras pas. Tu vois bien que tu es vaincu. » Cette cruelle bravade, ces sanglants sarcasmes, loin d'exaspérer davantage Langlade, lui firent un instant recouvrer la raison. Une minute auparavant, des cris ou des sons inarticulés seraient seulement sortis de sa gorge en feu. Maintenant, il pouvait parler. Il cessa d'étreindre les barreaux de la grille, se croisa les bras et jetant sur sa maîtresse un regard terrible. « Quoi ? C'est toi qui oses m'insulter, toi qui te roulerais à mes pieds et me demanderais grâce si cette grille ne nous séparait pas, et c'est toi que j'ai aimé, toi qui m'as conduit où je suis. C'est pour une aussi misérable créature que je vais retourner pour la troisième fois au bagne, ou peut-être porter ma tête sur l'échafaud. Cependant, ce tyran dont tu te plains et que tu exècres, tu aurais pu l'adoucir par quelques bonnes paroles et un peu d'amour. Tu en as fait un voleur et un assassin. Tu pouvais en faire un honnête homme, oui, un honnête homme. Que me fallait-il à moi pour être heureux ? Te voir, te sentir à mes côtés, respirer le même air que toi. Mais tu voulais des toilettes, de l'argent, du luxe. Mon travail ne te suffisait pas. J'ai volé pour satisfaire plus vite tes caprices, pour t'empêcher de me quitter et de courir dans les bras d'un autre amant. Ah, des amants. Tu parles d'un avoir, continua-t-il, en redevenant furieux à cette seule pensée. « Prends garde pour eux, prends garde pour toi. Je les tuerai comme j'ai tué l'autre. Ne ris pas. Lâche que tu es, tu me crois perdu et tu me braves. Mais je puis avoir mon tour, je saurai t'atteindre et te broyer le corps comme tu m'as broyé le cœur. Oui, on peut m'envoyer au bagne, je me sauverai. Me mettre les fers aux pieds et aux mains, je briserai mes fers. M'envoyer à l'échafaud, je sauterai de l'échafaud pour te rejoindre et te tuer. » « Fou, » dit Stéphanie, en levant les épaules, « tu parles de briser tes fers et tu ne peux seulement pas soulever un des barreaux de cette grille. Ah, tu m'as trompé, je te croyais fort, tu ne l'aimes même pas. » Ce dernier outrage, ce dernier coup de fouet, donnèrent sans doute à Langlade une force et une vigueur surhumaine. Il prit à deux mains un des barreaux de la grille, il lui imprima une formidable secousse, et le barreau, cédant à ce suprême effort, se tordit et vint à lui. Soleil couchant poussa un cri terrible. Encore une secousse et Langlade pouvait l'atteindre. Mais les forces humaines ont des limites. Langlade avait passé depuis le matin par trois épreuves, avait éprouvé des émotions trop cruelles. Son sang, violemment surexcité, remonta brusquement au cerveau. Il chancela tout à coup, abandonna le barreau qu'il traînait et tomba lourdement par terre.